aux fans, méloman est de retour, man. Encore un blog qui fan et qui ticane. Les doutes planent, on se demande pourquoi je chante sans arrêt. Une question parmi d'autres, pourquoi je chante sans arrêt. En fait c'est simple comme un gosse, crois que je me cherche encore. Mais je reste le même, je fais le rap que j'adore. Encore plus personnel, je me livre à mes corps. Relation passionnelle avec un gros guitar corps. Tu crois que tu m'arrives à la cheville, ah d'accord. Je fais vibrer tes papilles auditives à la mort. Mais mon rôle ici c'est offrir du bon son. Pas de clash à la con, j'ai pas foutre le boxon. La musique c'est pour moi une liberté d'expression qui demande le respect de diverses opinions. La musique c'est pour moi un langage universel et une façon d'envoyer des messages dans mes versets. Je rappe et je m'en bats que personne me connaisse. Je rappe que pour moi pour vider ma tristesse. Faire fêter ma joie, partager la richesse. Une musique comme le rap vendu pour des business. Je rappe et je m'en bats que personne me connaisse. Je rappe que pour moi pour vider ma tristesse. Pour tous ceux qui aiment, c'est du rap véritable, authentique, vérifiable. Appelez-moi Kidam. Surtout ceux qui aiment pas le rap, la moitié change de camp. Devant un bon son conscient, ton résistant tombe dedans. L'important c'est le temps que tu vas prendre pour écouter les paroles. Tu verras que très vite tu t'envoles. On joue avec les mots comme les mots jouent avec nous. On joue avec les rimes et les miennes vous envoûtent. Maniaque, moi je me force de faire en sorte que mes textes soient fluides. Alors ceux qui font de la merde me fatiguent. Quand je vois la vidéo d'Amandine, ça me fait rire. Car c'est vrai que c'est pas bon, je l'avoue mais je vais dire. Jamais je n'ai pensé qu'il fallait que je l'insulte. Le respect c'est la première des choses, bande d'incul. Écrivez donc un truc, essayez de le rapper sur l'instru. On verra que ça donnera langue de pute. L'écriture et le flow, il faut du temps pour tout ça. Donc sérieux, te fous pas de moi en tout cas. Je rappe et je m'en bats que personne me connaisse. Je rappe que pour moi pour vider ma tristesse. Faire fêter ma joie, partager la richesse. Une musique comme le rap vendu pour des business. Je rappe et je m'en bats que personne me connaisse. Je rappe que pour moi pour vider ma tristesse. Pour tous ceux qui aiment, c'est du rap véritable, authentique, vérifiable. Appelez-moi Kidam. Je suis grave guest d'entendre dire que certaines de mes disques plaisent. À l'inverse d'être police, tu me tailles, on peut dire que je te baise. Amateur mais je n'ai rien à envier à personne. Y'a trop déchets qui se cachent derrière un bon beat qui sonne. Je suis honnête comme tu le sais, je viendrai pas te sucer. Que tu sois bon ou mauvais, t'inquiète pas, je te le dirai. Mon rap va durer, que du lourd, que du vrai. Si tu penses à ma retraite, bah tu rêves. Je suis là pour donner une image positive. Effacer le stéréotype du rappeur agressif. Élargir les esprits, changer les récits. Mettre un peu de poésie dans tous les sons qu'on écrit. Du dégoût, du mépris, voilà tout ce qu'on provoque. Si tu te braques au final, je te dirai en gros fort. Te laisserai dans ton monde, dans ta bulle, dans ton froc. Moi je vis avec mon temps, rien à foutre de ton époque. Je rappe et je m'en bats que personne me connaisse. Je rappe que pour moi, pour vider ma tristesse. Faire fêter ma joie, partager la richesse. Une musique comme le rap, vendu pour des business. Je rappe et je m'en bats que personne me connaisse. Je rappe que pour moi, pour vider ma tristesse. Pour tous ceux qui aiment, c'est du rap véritable, authentique, vérifiable. Appelez-moi Kidam. Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam, Kidam. Oh. Je m'en bats que personne me connaît.